السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié les conditions de la prière, et cela de manière détaillée. Et aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous allons étudier les piliers de la prière. Les piliers de la prière sont au nombre de 14. Les piliers de la prière sont au nombre de 14. Un pilier dans la langue arabe, ou l'arkan, en arabe, arkan salati, arba'ata achar. Et les piliers de la prière sont au nombre de 14. Et le sens du mot arkan, le sens du mot arkan, pilier, c'est-à-dire janibu shay il aqwa, c'est le pluriel du mot rukn. Et c'est la partie de la chose la plus solide. C'est la partie de la chose la plus solide. Et les piliers de la prière, ce sont des choses, des parties composantes de celle-ci. Si le pilier vient à manquer, si cette chose vient à manquer, alors ça annule cette prière. Alors ça annule cette prière. Que ce soit volontairement ou que ce soit involontairement. Et ça n'est pas parce que la chose est présente que l'action sera présente. Par exemple, at-takbir, le fait de dire Allahu Akbar, takbiratul ihram, le premier takbir, est un pilier de la prière. C'est un pilier de la prière. S'il n'y a pas ce pilier, si la personne n'entre pas dans la prière en disant Allahu Akbar, elle n'a pas de prière valable chez Allah. Mais dans le cas où elle dit Allahu Akbar, ça ne veut pas dire qu'elle est en train de prier. Donc ceci est un pilier. Et on distingue entre la condition et le pilier en disant que le pilier est partie intégrante de la chose, a lieu pendant celle-ci, alors que la condition, elle précède la chose, et même s'il se peut qu'elle l'accompagne, comme la purification. Donc, les piliers de la prière sont les parties composantes de celle-ci. Contrairement aux conditions qui viennent avant. Et un pilier, on ne peut le faire tomber. Que ce soit volontairement ou involontairement, que ce soit en connaissance de cause ou non, il faut absolument réunir les piliers de la prière pour que la prière soit valable. Nous avons donc dit que les piliers de la prière étaient au nombre de 14. Le premier pilier de la prière est al-qiyamu ma'al qudra. Le fait de se tenir debout pour celui qui en a la capacité. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله هذا أمر بالقيام في الصلاة. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqarah nous dit, sous la traduction des sens de ce verset: préservez les prières ainsi que la prière médiane et tenez-vous devant Allah, tenez-vous debout, levez-vous pour Allah avec dévotion. Ceci est un ordre de se tenir debout dans la prière. Ajoutez à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier. Et il priait debout, sallallahu alayhi wa sallam. Ajoutons à cela que dans le célèbre hadith d'Abi Huraira, lorsque, ou plutôt avant même cela, dans un hadith rapporté par al-Bukhari, selon Imran ibn Husayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jamb. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit à un compagnon: Prie debout, ceci est un ordre, donc c'est obligatoire. Si tu n'en as pas la capacité, alors assis. Et si tu ne peux pas, alors sur le côté. Alors sur le côté. Et dans le célèbre hadith d'Abu Huraira rapporté par Al-Bukhari Muslim, le hadith surnommé le hadith de celui qui a fauté dans sa prière, le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il l'a corrigé et lui a enseigné, lui a dit: Idha qumta ila salati fakabbir. Lorsque tu te lèves pour la prière, alors dis Allahu Akbar. Donc le premier pilier est de se tenir debout pour pouvoir accomplir la prière. Et bien évidemment, celui qui n'a pas la capacité de se mettre debout suite à un handicap ou à une maladie ou une incapacité quelconque, sa prière sera valable. Mais il devra mettre en pratique la parole d'Allah, « Fattakullaha mastata'atum » « Craignez Allah autant que possible ». C'est-à-dire que s'il peut se mettre debout pour une partie de la prière, il le fera. S'il peut se mettre debout pour dire Allahu Akbar pour entrer en prière, il le fera. Puis, lors du besoin, il se mettra en position assise ou couchée. Donc, il ne faut pas délaisser ce qu'on peut faire. Et parmi les erreurs, le fait que le malade pense qu'il n'a pas à se tenir debout. Non, on lui dit tiens-toi debout, même s'il est malade. Par contre, s'il n'en a pas la capacité, c'est à ce moment-là qu'on lui dit de se mettre assis. Et s'il a la capacité de faire une partie debout et l'autre assis, on lui dira de faire cette partie debout. On lui dira de faire cette partie debout. Et parmi les... On peut trouver des personnes qui viennent à la mosquée en marchant. Mais au moment de faire la prière, ils prennent la chaise et ils se mettent en position assise. Ces gens-là, sans aucun doute, ont la capacité de commencer la prière debout. Puis s'il y a un besoin, à ce moment-là, ils devront s'asseoir. Ils devront s'asseoir. Barakallahu fikum. Le deuxième pilier, الركن الثاني تكبيرة الإحرام. Le deuxième pilier, c'est تكبيرة الإحرام. C'est le fait de dire Allahu Akbar au début et à l'entrée de la prière. Le fait de dire Allahu Akbar au commencement de la prière. Il a été appelé تكبيرة الإحرام, contrairement aux autres. Il a été appelé le takbira du ihram, qui rend interdit, car suite à la prononciation de cette parole, ce qui auparavant était permis devient interdit. Après avoir dit Allahu Akbar, ce qui était permis devient interdit, comme le fait de parler, comme le fait de regarder au ciel, comme le fait de manger, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Abu Huraira, dans le hadith de celui qui s'est trompé dans la prière, فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ. Lorsque tu te lèves pour la prière, dis Allahu Akbar. Kabbir, c'est-à-dire dis Allahu Akbar. Donc c'est une obligation, c'est un pilier de dire Allahu Akbar au début de la prière, à l'ouverture de la prière. Et une autre parole se rapprochant de son sens ne peut prendre sa place. À titre d'exemple, Allahu Ajal, Allahu A'zam. Ces sens-là sont véritables et sont de parfaites louanges pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça n'est pas l'endroit où il faut prononcer cela. Ici, ce qui est valable est de dire Allahu Akbar, rien d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tahrimuha takbir. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit Tahrimuha takbir. Ce qui rend interdit, c'est le fait de dire Allahu Akbar. C'est-à-dire ce par quoi tu entres dans la prière et qui te rend interdit ce qui était avant, est le fait de dire Allahu Akbar. Ceci est le hadith de Ali, radiallahu an, rapporté par l'imam Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah et autres, et il est Hassan. Le troisième pilier est Qira'atul Fatiha, la lecture de Suratu al-Fatiha. Suratu al-Fatiha est la sourate la plus immense du Coran. C'est la meilleure sourate du Coran et même la meilleure sourate qui a été révélée à un prophète. Elle a beaucoup d'appellations et ceci nous montre sa perfection et ses nombreuses caractéristiques. Elle est par exemple Ummul Qur'an, la mère du livre, c'est-à-dire la sourate du Qur'an qui est-elle le résumé ou dit de manière différente et meilleure Inch'Allah, Ummul Qur'an, on l'appelait ainsi, car elle renferme les différents sens traités dans le Qur'an à elle seule. À elle seule. Je répète, on a appelé Suratul Fatiha Ummul Qur'an. Pourquoi? Car elle renferme les sens qui ont été détaillés dans le Qur'an. Hawat ijmalan mashtamala alayhi al-Qur'an tafsila. Aussi, parmi ces appellations, est Sab'ul Mathani, les sept répétés, car nous les répétons dans chaque unité de prière, dans chaque prière. Elle a également été appelée Al-Fatiha, l'ouverture, car celui qui prie ouvre sa prière par sa récitation. Aussi, lorsque tu ouvres le livre contenant le Coran, Al-Mus'haf, contenant le Coran ou le Karim, la première sourate qui ouvre, qui commence le Mus'haf est Suratu Al-Fatiha. Tout cela nous montre quoi? L'importance de cette sourate. S'il en est ainsi, il nous faut l'étudier, il nous faut la comprendre, il nous faut étudier ses sens. Il nous faut corriger sa lecture, sa mémorisation, il faut l'enseigner et corriger sa récitation. Dans le hadith de Abu Huraira, rapporté par Al-Bukhari, ou plutôt rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le Très-Haut dit, « Qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn, wa li abdi ma sa'al. » Allah le Très-Haut nous dit dans le hadith Atam divin, « J'ai divisé ou j'ai séparé entre moi et mon serviteur la prière en deux. » Et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Ce qui est voulu ici par la prière, j'ai séparé la prière, j'ai divisé la prière, c'est-à-dire Al-Fatiha. C'est pour cela que la suite du hadith est « Ida qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi. » Lorsque le serviteur dit « Alhamdulillahi rabbil alamin, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur des mondes. » Le Seigneur des mondes, Allah dit « Mon serviteur m'a loué. » Lorsqu'il dit « Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit, mon serviteur fait mes éloges. » Jusqu'à la fin du hadith. Donc, un des noms de l'Fatiha est As-Salah. C'est aussi Ar-Ruqya. Et on étudiera cela, Inch'Allah Ta'ala, dans un cours futur. Qu'Allah nous préserve et nous garde en vie et nous permette cela. Le fait de lire donc Al-Fatiha est un pilier de la prière. est un pilier de la prière. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le noble compagnon Ubadat ibn Samit nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité l'ouverture du livre, c'est-à-dire sourate al-Fatiha. Il n'y a pas de prière, sa prière n'est pas valable. Ainsi, celui qui prie seul et ne récite pas le Fatiha, sa prière n'est pas valable. L'imam qui prie ne récite pas le Fatiha, la prière n'est pas valable. Et celui qui prie derrière un imam, lors de la récitation à voix basse et ne lit pas la Fatiha, sa prière n'est pas valable. Par contre, lorsque l'imam récite à voix haute, celui qui prie derrière lui doit quand même réciter la Fatiha. Mais s'il ne le fait pas, sa prière sera incomplète. Sa prière sera incomplète, mais pas caduque. Donc, lorsque l'imam récite à voix haute, celui qui est derrière doit réciter le Fatiha. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit aux compagnons, il se peut, ou bien probablement, que vous lisez derrière moi. Ils ont dit oui. C'est comme s'il avait été gêné. Il leur a dit, ne le faites pas, sauf pour Al-Fatiha. Sauf pour Al-Fatiha. Ceci prouve qu'on récite derrière l'imam. Al-Fatiha seulement. D'accord, dans le cas où il n'a pas récité, est-ce que sa prière est invalide ou pas? Non, elle n'est pas invalide. Comme l'a dit Cheikh Saleh Al-Luhaydan lors de l'une de ses réponses durant le pèlerinage. La question lui a été posée et j'ai assisté à cela en face de la Kaaba sur le Kursi. Il a dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith authentique, si mes souvenirs sont bons rapportés par l'imam Muslim, a dit que celui qui ne récite pas le Fatiha, sa prière est khidaj, c'est-à-dire incomplète. C'est-à-dire incomplète. Donc, il faut rester surat al-Fatiha. Une deuxième remarque, c'est que certains pensent surat al-Fatiha et ne récitent pas surat al-Fatiha. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas les lèvres. Ils ne bougent même pas la langue, ils ne bougent même pas les lèvres. Puis ils disent, j'ai récité ma voix basse. On dit non. Nous disons non, ceci est penser la Fatiha et non pas la réciter. Il faut réciter au minimum, il faut bouger les lèvres. Il faut bouger les lèvres, même si la personne se fait entendre qu'elle-même. Il faut la réciter. C'est impératif et c'est très important. Donc c'est le deuxième pilier parmi les piliers de la prière. Ou plutôt le troisième. Le premier étant se tenir debout avec la capacité. Le deuxième, takbiratul ihram. Donc le troisième, la lecture de la Fatiha. Le quatrième pilier est ar-ruku', l'inclinaison. Dans suratul hajj, Allah nous dit ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous et adorez votre Seigneur. Et dans sourate al-Baqara, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Et dans le hadith qu'on a déjà mentionné, le hadith d'Abi Hurayra, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a corrigé et enseigné la prière aux compagnons, ثُمَّ ارْكَعَ, puis incline-toi. Ceci est un ordre, c'est donc une obligation. Le pilier suivant, donc le cinquième, al-i'tidal ba'd ar-ruku', al-i'tidal ba'd ar-ruku', c'est-à-dire la quiétude ou bien se relever après le ruku', se relever après le ruku'. Jusqu'à avoir son dos droit. Jusqu'à avoir son dos droit. et que chaque os reprenne sa place. Le cinquième pilier, al-i'tidal ba'da ar-ruku', al-i'tidal ba'da ar-ruku', ce qui signifie se relever du ruku' jusqu'à arriver en position debout et que les os reprennent leur place et leur position. En d'autres termes, se remettre debout et rester un minimum dans cette position. Dans le hadith de celui qui s'est trompé dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima » puis relève-toi jusqu'à te remettre droit. Jusqu'à te remettre droit. Jusqu'à t'apaiser en position debout. Et parmi les fautes répandues, malheureusement, certaines personnes qui accomplissent la prière, au moment de se relever de l'inclinaison, n'attendent pas d'atteindre totalement la position debout. Et voici qu'ils se prosternent. Ceci est une erreur manifeste. C'est une erreur grave. Car ici, il manque un pilier de la prière, et celui qui manque un pilier de la prière manque la prière. Je répète, certaines personnes inclinées au moment de se relever se relèvent, mais elles n'attendent pas de se tenir complètement, de se retrouver complètement debout. Et avant d'arriver en position debout, redescendent immédiatement en prosternation, à l'image de celui qui est extrêmement pressé. Tu les vois prier d'une manière très rapide. D'une manière très rapide. Et Allah n'aime pas cela. Le prophète ne nous a pas enseigné cela. Ce n'est pas la prière de celui qui a goûté aux délices de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire attention, mes chers frères. Il faut se corriger. Il faut faire attention. Il faut enseigner cela chez nous. Et corriger autrui. Et nous disons à cela: ô mes chers frères, vous êtes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes devant le tout miséricordieux. Devant celui qui vous a créé. Vous êtes devant celui qui vous voit, vous observe. Celui qui va vous récompenser, le pardonneur, celui qui accepte les bonnes actions, le maître des mondes, l'immense subhanahu wa ta'ala. Comment se fait-il qu'on se dépêche de la sorte, comme pour se libérer, comme pour se débarrasser de cette prière, alors qu'on se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala? C'est un moment privilégié. Il nous comble de ce bienfait-là en nous permettant de nous maintenir devant lui, de se maintenir devant lui, de le louer, de le glorifier, de l'adorer, de se prosterner pour lui. On doit prendre notre temps dans cette prière. On doit goûter aux délices de cette prière. Voyez-vous, si l'un d'entre nous se tenait debout devant un roi de ce bas monde, ou un savant, même après un voyage, même après une fatigue, même épuisé, exténué, on aurait pris plaisir à cette assise. On aurait été content d'avoir ce temps, et on se serait vu doté d'un grand privilège. Accordé un grand privilège. Comment se fait-il devant le créateur des rois et des savants, on ne trouve pas ce plaisir-là? La personne fait un long voyage. La personne est fatiguée. Elle va voir son meilleur ami. Ou elle retrouve son épouse et ses enfants. Et eux ont pitié de lui, ils lui disent « Va te reposer, mange. » Et lui, il dit non. Il est tellement heureux de les retrouver qu'il ne va pas se reposer. Comment se fait-il, mes chers frères, que pour Allah subhanahu wa ta'ala, on ne trouve pas cela? Ce genre de personne qui ne prennent même pas le temps de se relever complètement et redescendent immédiatement en prosternation, et ça n'est qu'un exemple parmi les parties de la prière, savez-vous que ce sont des voleurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés voleurs. Il a même dit, ou il a appelé cela du vol. Il a appelé cela du vol, pour être plus précis. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit dans le hadith: Aswa'u nasi sariqatan alladhi yasriqu min salati. Qalu ya Rasulallah, kayfa yasriqu min salati? قال لا يتم ركوعها ولا سجودها أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رواه أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وصححه الألباني رحمة الله عليهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: Celui qui parmi les gens commet le vol le plus mauvais, celui qui parmi les gens commet le vol le plus mauvais est celui qui vole de la prière, de sa prière. Celui qui vole de sa prière, entendez-vous mes frères, celui qui vole de sa prière. Ils dirent: ô messager d'Allah, et comment pourrait-il voler de sa prière? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: il ne parfait pas l'inclinaison ni la prosternation. Il ne complète pas son inclinaison ni sa prosternation. Et ce hadith rapporté par l'imam Ahmed et Charles Bani dit qu'il est authentique. Le vol, c'est un grand péché, car la personne a opprimé un serviteur d'Allah dans son droit, ne s'est pas acquitté, ou bien il a transgressé dans son droit. Et ce vol-là est encore pire, il vole de sa prière. Ici, il ne s'acquitte pas de son devoir envers qui? Envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pire. Le sixième pilier, as-sujud 'ala al-a'dha'i as-sab'a. Le sixième pilier, as-sujud 'ala al-a'dha'i as-sab'a. Le fait de se prosterner, le fait de se prosterner sur les sept os ou les sept parties. Les sept os ou les sept parties. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuha alladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Al-aya. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous et adorez votre Seigneur. Ici, il y a l'ordre de se prosterner, c'est donc obligatoire, c'est un pilier de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, ala al-jabhati wa ashara biyadihi ala anfi, wal yadayn, wal rukbatayn, wa atraf al-qadamayn. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il m'a été ordonné de me prosterner sur sept os. Sur le front, il a montré avec son nez. C'est-à-dire qu'il faut se poser, il faut poser au sol le front avec le nez. Ça fait un. Les deux mains, ça fait deux. Et trois. Les genoux, ça fait quatre et cinq. Et l'extrémité des pieds, c'est-à-dire les doigts de pied, ça fait six et sept. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Abbas. Ainsi, la prosternation ne sera pas prosternation chez Allah, sauf s'il y a ces sept membres en contact avec le sol. Et tu trouves certaines personnes, malheureusement, qui, lors de la prosternation par exemple, se gratte le pied droit avec le pied gauche, ou le pied gauche avec le pied droit. Comme si on n'avait pas trouvé de moment dans les 24 heures, subhanallah, pour se gratter le pied avec l'autre, si ce n'est à ce moment-là. Subhanallah. Ou la personne lève la main, ou, ça c'est l'erreur la plus répandue à ma faible connaissance, c'est que la personne pose son front sans poser son nez. Sans poser son nez. Donc il faut faire attention, faites propager cela mes chers frères, afin qu'on se corrige et qu'on s'entraide dans le bien et la piété. Ar-ruknu sabi' ar-raf'u min. Le septième pilier, se relever de la prosternation. Se relever de la prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui à qui il a corrigé la prière, puis relève-toi jusqu'à t'apaiser en position assise. Et ce contexte est un contexte où on mentionne les piliers de la prière comme l'ont mentionné les savants. Donc se relever de la prosternation est un pilier en soi. Ar-ruknu thamin, la huitième condition, al-jalsatu bayna sajdatayn, la position assise entre les deux prosternations. C'est-à-dire, après t'être prosterné, après t'être relevé de la prosternation, qui est un pilier en soi, tu dois te mettre en position assise. Et t'apaiser dans cette position un temps minimum. Quel est ce temps minimum? C'est le temps de dire au moins une fois « Rabbi ghfirli » Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Il doit s'asseoir un temps minimum dans lequel il atteint la, on va dire, la quiétude ou l'apaisement. Et ce temps-là est le temps de dire au moins une fois « Rabbi ghfirli » Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Ar-ruknu at-tasi', la neuvième, le neuvième pilier est at-tuma'ninatu fi jami'i al-af'al, c'est-à-dire la quiétude dans l'ensemble des actes. La quiétude dans l'ensemble des actes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a corrigé la prière du compagnon et lui a ordonné comment prier en lui mentionnant les piliers, il lui a dit cela pour l'inclinaison, il lui a dit cela pour la prosternation, il lui a dit cela lorsqu'il se relève de la prosternation, et il lui a aussi dit « Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha » Puis, fais cela dans ta prière, dans son entièreté. Puis fais cela dans ta prière, dans son entièreté. Donc il faut avoir la quiétude dans l'ensemble des actions de la prière. Que signifie at-tuma'nina? Les savants disent at-tuma'nina hiya sukunun biqadri al-ityan bi-dhikri al-wajib. At-tuma'nina hiya sukunun biqadri al-ityan bi-dhikri al-wajib. C'est un apaisement qu'on doit atteindre. Le fait de rester immobile, tranquille, le temps de prononcer l'invocation obligatoire dans cette position. Donc comment estimer ce temps minimal? En disant, c'est le temps de dire l'invocation obligatoire au moins une fois. Au moins une fois. الركن العاشر الترتيب بين الأركان. Le dixième pilier est de respecter l'ordre entre les différents piliers. Respecter l'ordre entre les différents piliers. C'est-à-dire qu'il doit accomplir cette prière, c'est-à-dire qu'il doit accomplir cette prière en suivant l'ordre montré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commence par se mettre debout. Par exemple, il ne peut pas dire Allahu Akbar assis, ensuite il se met debout. Non, il n'aura pas respecté l'ordre. Il doit être debout au moment où il dit Allahu Akbar. Aussi, il ne peut pas faire la prosternation avant l'inclinaison. Il ne peut pas s'incliner avant la Fatiha et ainsi de suite. Il doit respecter l'ordre. Il doit respecter l'ordre entre les différents piliers. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié ainsi et il nous a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, selon le sahabi Malik ibn al-Huwayrith, radiallahu anhu. Et également dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a corrigé la prière du compagnon, il lui disait fais telle chose, thumma fa'al kada, puis ensuite fais telle autre, ensuite fais telle autre. Et thumma en arabe yufidu tartib. Thumma, ce mot-là en arabe, indique un ordre chronologique. Indique un ordre chronologique. Qu'on doit commencer. Donc, on doit donc commencer par ceci, puis faire cela. On ne peut inverser l'ordre des piliers de la prière. On doit suivre cet ordre et faire suivre les piliers les uns après les autres. Comme la prière nous a été enseignée par le prophète, alayhi salatu wassalam. Al-Ruknu al-Hadi Ashar. Le onzième pilier, al-Tashahud al-Akhir, le dernier Tashahud. Quant au premier, il fait partie des obligations de la prière et non pas des piliers. Donc, je répète, le onzième pilier, al-Tashahud al-Akhir, le dernier Tashahud avant de faire le Taslim. Et ce qui est voulu par cela, c'est-à-dire quelle partie du tashahhud al-akhir est un pilier dans la prière. Est-ce que c'est tout du début à la fin? Non. C'est jusqu'à ash-shahadatayn, jusqu'à arriver à ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasul. Jusqu'à arriver à cet endroit-là. Le reste dans at-tashahhud al-akhir fait partie de tashahhud al-akhir mais n'entre pas dans ce jugement-là de pilier. Le pilier s'arrête à la fin de la prononciation de Ash-Shahadatayn, de l'attestation de foi. Al-Ruknu Thani Ashar, le douzième pilier, Al-Julusula, la position assise durant la prononciation du Tashahhud al-Akhir. Ce sont deux piliers différents, le onzième et le douzième. Le onzième, c'est le fait de dire « At-tashahhud al-akhir ». Le douzième, c'est d'être en position assise durant cela. Dans le hadith de Abdullah ibn Sa'ud, dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iza qa'ada ahadukum fi salati falyaqul at-tahiyyatu lillah » Al-hadith. Abdullah ibn Saoud rapporte, comme c'est dans le Bukhari et Muslim, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Quand l'un d'entre vous se met en position assise dans la prière, qu'il dise « At-tahiyyatu lillah ». Puis il a mentionné « At-tashahhud ». Donc il faut être en position assise pour dire « At-tashahhud ».« At-tashahhud ». Al-ruknu thalitha ashar, le treizième pilier, « As-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ». C'est le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que lorsque vous entendez le prénom de votre prophète, le serviteur d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que celui qui dit ça, le prophète alayhi salatu wa sallam nous annonce une grande nouvelle. Savez-vous quelle est cette nouvelle? Il nous dit, alayhi salat wa salam, pour nous encourager à beaucoup prier sur lui, que celui qui dit une fois cela, celui qui prie une fois sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah priera sur lui 10 fois pour cela. 10 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Tu l'as dit une fois, Allah priera 10 fois sur toi. 10 fois sur toi. Naam. Donc, le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le 13e pilier. Et sachez que sur ce point-là, il y a une divergence. Est-ce que c'est un pilier, comme l'ont dit certains savants, ou est-ce que c'est une sunna? C'est une chose recommandée, comme l'ont dit d'autres. Comme l'ont dit d'autres. Il y a une divergence à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith de Abdullah ibn non, comme dans le hadith de Abu Mas'ud al-Ansari, Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu an, qulu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dites, donc c'est un ordre. C'est pour cela que certains ont dit que c'était un pilier, mais d'autres ont dit non. En réunissant les textes, on voit que c'est une sunna. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك ou plutôt je reprends قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ça, c'est la version de le Bukhari et Muslim. C'est la version de le Bukhari et Muslim. Et vous remarquerez qu'on ne répète pas ala Ibrahim, mais on dit directement ala al Ibrahim. Ala al Ibrahim. Et cette version est la plus authentique, elle est dans le Bukhari et Muslim. Et chez certains savants, le pilier ici, c'est de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la suite, c'est une sunna, le fait de prier sur sa famille ou ses suiveurs. Et le sens de as-salatu ala nabi, on l'étudiera inshallah comme le sens des termes de la prière dans le prochain cours inshallah ta'ala. Mais Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et autres parmi les savants on dit ismun jami' ismun jami' lil hunuwi wal atf. Al hunu, c'est la compassion, la pitié. Donc ils ont dit le sens de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de demander la compassion et la pitié pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre dans cela le fait de faire des éloges ou le fait de demander le pardon et ainsi de suite. Et ça, c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Bada'i' al-Fawa'id. Bada'i' al-Fawa'id. الركن الرابع عشر le quatorzième et dernier pilier de la prière التسليم et plus précisément التسليم. À la fin de la prière il y a ce qu'on appelle التسليم. Ça consiste à dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. En tournant la tête à droite. En tournant la tête à droite. Pardon. Ça, c'est ce qu'on appelle être taslima. Et dans la prière, il y a taslimatan, il y a deux taslim. À droite, alors que tu es en face de la qibla, tu tournes ta tête à droite, vers ton épaule droite, et tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est ce qu'on appelle un taslim, ou bien une taslima. Une taslima. Puis tu refais cela à gauche, Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est ce qu'on appelle le deuxième taslima. Donc il y en a deux dans la prière. Et sachez qu'il y a le consensus des compagnons quant au fait que seul le premier est un pilier. Seul le premier est un pilier. Quant au deuxième, c'est une sunna. Quant au deuxième, c'est une sunna. Donc, at-taslim, c'est avec cela qu'on conclut la prière. Qu'on clôture la prière. Et dans le hadith de Ali, rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi ibn Majah, authentifié par l'Albani, rahmatullah alayhim, on a déjà mentionné, le prophète a dit تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Donc son interdiction se réalise en disant Allahu Akbar et sa libération, ou bien ça redevient permis en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc quand on a dit Allahu Akbar au début de la prière, ça nous devient interdit ce qu'il était au préalable. Et lorsqu'on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, nous redevient licite ce qu'il était au préalable, c'est-à-dire avant la prière. Donc c'est ainsi qu'on finit la prière avec ce pilier. Le pilier étant juste le premier taslima, la première taslima. Barakallahu fikum. Donc voici les 14 piliers de la prière. Voici les 14 piliers de la prière. 5, parmi les 14 piliers, 5, yani khamsatun minha qawliya, 5 parmi ces 14 piliers sont des paroles. Takbiratul ihram, al-fatiha, al-tashahud al-akhir, al-salatu ala al-nabi, wa al-taslima. Et les restes sont des actions. Les 9 autres sont des actions. Passons au cours à la leçon suivante. Wajibatu salat. Wajibatu salati thamaniya. Les obligations de la prière. Les obligations de la prière. Sachez, rahimanillah wa iyyakum, que les obligations de la prière sont au nombre de 8. Les obligations de la prière sont au nombre de 8. Qu'est-ce qu'on entend par les obligations de la prière? Les obligations de la prière sont des choses qui font partie de la prière, qui composent la prière, mais si la personne délaisse cette chose par oubli pour une excuse ou une autre excuse, sa prière ne sera pas annulée, mais elle pourra la corriger par une prosternation de distraction. Donc ce sont des parties composantes de la prière. Que si la personne délaisse volontairement, sa prière sera annulée. Sa prière sera annulée. Donc, quelle est la différence entre le pilier et l'obligation? C'est que le pilier, on ne peut le faire tomber et avoir une prière bonne et acceptée, valable. Le pilier n'est pas... On n'excuse pas celui qui ne vient pas avec, que ce soit volontairement ou involontairement, ni même par oubli. Alors que l'obligation, si elle est délaissée involontairement par distraction, par oubli, la prière sera quand même valable, mais il faudra faire la prosternation qu'on appelle les prosternations de distraction. Les prosternations de distraction. Voici la différence majeure entre les deux. Quelles sont les obligations de la prière? Les obligations de la prière sont au nombre de 8. Al-wajibul awwal, jami'u takbirati, ghayr takbirati l'ihram. L'ensemble des takbirat, exception faite du premier takbir, qui est takbiratul ihram. Exception faite du takbir par lequel on entre en prière. La première obligation de la prière est l'ensemble des fois où on dira dans la prière Allahu Akbar pour passer d'un pilier à un autre. C'est ce qu'on appelle takbiratul intiqal. On dit Allahu Akbar pour passer d'un pilier à un autre. Ce sont des obligations de la prière. Quant au premier takbir par lequel on entre en prière, celui-ci, c'est un pilier. C'est un pilier. Concernant tous ces takbirat, qui font partie des obligations de la prière, à quel moment est-ce qu'il faudra les dire? Lorsque tu commences à te déplacer, à changer de position, c'est là la place, c'est là le moment où il faut prononcer takbiratu al-intiqal. Il ne faut pas attendre d'atteindre le pilier suivant. Par exemple, celui qui est debout et il veut se prosterner. Il commence à descendre, il dit Allahu Akbar. Et il peut même le finir alors qu'il est, il a atteint le sol. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est le placer en prosternation. Car ça n'est pas son lieu, ça n'est pas son moment voulu. Ce takbir, ce qu'on veut de toi, c'est que tu le prononces pendant que tu te déplaces. Par exemple, de la position debout à la position de prosternation. Donc il te faut, le mieux c'est de le finir avant d'être en prosternation. Mais sinon tu peux le finir en te prosternant, en te mettant au sol. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, car ça ne sera pas valable, ça ne serait pas valable, c'est de descendre en prosternation et de dire Allahu Akbar. Non, là c'est trop tard. Là c'est trop tard. Donc on fait attention à cela. On fait attention à cela, ne pas dire le dhikr légiféré dans le moment où il ne l'a pas été. La deuxième obligation, qawlu sami'a Allahu liman hamida. La deuxième obligation est le fait de dire sami'a Allahu liman hamida. C'est-à-dire qu'Allah exauce celui qui le louera. Qu'Allah exauce celui qui le louera. Ici, le sens de Semira, c'est Stajab, comme l'ont dit les savants. Donc voici la deuxième obligation. Que tu sois un imam ou que tu pries seul, tu as l'obligation de dire cela. Tu as l'obligation de dire cela. Semi'a Allahu liman hamida. Puisse Allah exaucer celui qui le loue. La troisième obligation, donc à quel moment est-ce qu'on dit cela? On dit cela lorsqu'on est en train de se relever de l'inclinaison. Une fois que tu sors de ta position d'inclinaison et que tu te diriges vers la position debout, dans ce laps de temps-là, tu dis « Sami'a Allahu liman hamida ». Une fois arrivé debout, tu passes à la quatrième, à la troisième obligation, qui est le fait de dire « Rabbana walakal hamd ». Qui est le fait de dire « Rabbana walakal hamd ». Ce qui signifie, ô notre Seigneur, toutes les louanges te reviennent de droit. Dans d'autres versions, tu trouves Allahumma Rabbana walakal hamd. Donc on peut le dire avec Allahumma et sans. Et on peut le dire avec le waw et sans. J'ai oublié de mentionner quelques preuves. Donc, pour la première obligation, on trouve dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi al-Nasa'i, authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahumullah, que Abdullah ibn Sa'oud dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'a » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar à chaque fois qu'il descendait ou qu'il montait. Quant au fait de dire Semi Allahu liman hamida et Rabbana walakal hamd, on trouve cela dans le hadith de Abu Huraira dans le Bukhari Muslim. Dans le hadith d'Abu Huraira, dans le hadith d'Abu Huraira dans le Bukhari et Muslim. Et le fait de dire Mada dans le hadith d'Abu Huraira, lorsqu'il a mentionné la description de la prière du prophète alayhi salat wa salam, c'est un hadith dans lequel l'imam muslim, il disait, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, « Semi Allahu liman hamida, hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'. » Lorsqu'il se relevait du ruku', il disait, « Semi Allahu liman hamida. » Et dans le Bukhari muslim, Abu Huraira nous dit, « Thumma yaqul rabbana walakal hamd. » Ensuite, il disait, Rabbana wa lakal hamd, ô notre Seigneur, toutes les louanges te reviennent de droit. Et le Naam. Al-wajibu al-rabi' wal-khamis min wajibat al-salah. La quatrième et la cinquième obligation de la prière consiste à dire en inclinaison Subhana Rabbi al-Azim. Et en prosternation, Subhana Rabbi al-A'la. En effet, dans le hadith de Hudhayfa, radiallahu anhu, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi ruku'ihi Subhana Rabbi al-Azim. Wa fi sujoudihi Subhana Rabbi al-A'la. Dans le Bukhari Muslim, Hudhayfa nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en inclinaison Subhana Rabbi al-Azim. Exempt soit Allah de tout défaut et de toute similitude avec ses créatures, notre Monseigneur le plus ou Monseigneur l'immense. Et il disait en prosternation au lieu de l'immense, le plus haut. Nous avons également le hadith rapporté par l'imam muslim selon Abdullah ibn Abbas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Amma al-ruku'u fa'azzimu fihi al-rab » Quant à l'inclinaison, manifestez l'immensité du Seigneur. Manifestez dans celle-ci, c'est-à-dire dans l'inclinaison, l'immensité du Seigneur. Comment cela? En disant Subhana Rabbi al-Azim. La sixième obligation, Qawlu Rabbi ghfirli bayna sajnatayn. Le fait de dire Rabbi ghfirli entre les deux prosternations. Comme dans le hadith de Hudhayfa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait entre les deux prosternations Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah et d'autres. Et Cheikh Al-Albani nous dit qu'il est authentique, rahmatullahi alayhim. Rabbi ghfirli, ô mon Seigneur, pardonne-moi. C'est-à-dire, couvre mes péchés et efface-les. Et prémunis-moi des effets qui néfastes découlant des péchés. الواجب السابع والثامن التشهد الأول والجلوس له. Et pour finir, mes très chers frères, la septième obligation est التشهد الأول, le premier تشهد. Donc à la deuxième raka'a de la prière du dhuhr par exemple, ou du isha. Ou al-julusula, et al-wajibu-thamin al-julusula. Le fait d'être en position assise lorsqu'on prononce at-tashahud al-awwal. Pour preuve, le hadith rapporté par An-Nasa'i, selon Ibn Mas'ud, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhim, إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. lorsque vous vous mettez en position assise, à chaque fois que vous avez accompli deux unités de prière, dites At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Avec une shadda sur le ya. On a tendance à omettre, ou du moins pour des gens négligents comme ma personne. Et dans l'autre hadith, cette fois-ci dans le Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Hayna, ou plutôt Abdullah ibn Bahina ou Buhayna, je ne sais pas comment Ad-Dabt, la prononciation, je regarderai à nouveau Inch'Allah. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين. Donc, dans ce hadith, il nous est dit que le prophète صلى الله عليه وسلم s'est levé dans la prière du dhahr alors qu'il y avait la position assise. Lorsqu'il a fini sa prière, il a fait deux prosternations. Deux prosternations. C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir et prononcer At-Tashahhud al-Awwal après deux unités de prière. Et dans le cas où la personne oublie par inadvertance, oublie involontairement Mada une obligation, il lui faudra corriger et pallier à ce manquement, cette imperfection, en faisant ce qu'on appelle sujud ou sahou, en faisant deux prosternations. C'est-à-dire qu'il est assis, il va dire Allahu Akbar, il va se prosterner. Puis il va redire à nouveau Allahu Akbar, se mettre en position assise. Il va redire Allahu Akbar, se prosterner. Puis redire Allahu Akbar en position assise. Et il va faire le taslim. Ça, c'est si on fait sujud sahou avant le taslim. Et dans le cas où on le fait après le taslim, on va dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une fois à droite, une fois à gauche. Et à ce moment-là, on dira Allahu Akbar, on se prosternera. On dit ce qu'on dit habituellement, prosternation. On redit Allahu Akbar, on se met en position assise. On dit ce qu'on dit habituellement, position assise entre les deux prosternations. On redit Allahu Akbar, on se prosterne. On redit Allahu Akbar. On se met assis. Puis, on reprononce à nouveau At-Taslim pour sortir de la prière. Ainsi, on comprend que si on oublie un pilier, on doit absolument le rattraper. Si la personne a fini la prière, qu'elle a oublié un pilier, elle doit re-rentrer dans la prière pour faire une raka'a entière. Ça, c'est si le temps est court. Mais si c'est passé, alors il doit recommencer la prière. Car on ne peut faire tomber un pilier. Maintenant, dans le cas où il est dans la prière, comment est-ce qu'il doit faire? S'il est dans la prière, s'il peut le rattraper et revenir en arrière, il le fait. S'il est arrivé trop loin, c'est-à-dire qu'il est arrivé au pilier suivant, par exemple, il a oublié de lire la Fatiha. Et il est en train de réciter « Qulhu Allahu Ahad ». Il s'en souvient. Il revient à la Fatiha et il la récite. Là, c'est bon. Mais dans le cas où il est arrivé à l'inclinaison, il ne peut pas revenir en arrière. Alors il va continuer sa prière et ne pas comptabiliser cette raka'a. Ainsi, sa deuxième unité de prière deviendra sa première. Sa troisième deviendra sa deuxième. Et ainsi de suite. Et à la fin, il fera sujud ou sahou. Il fera la prosternation de la distraction. Et Inch'Allah, il y aura un cours à part sur la prosternation de la distraction devant l'importance de ce point-là. Quant à l'obligation, s'il l'oublie involontairement, il corrige cela avec la prosternation de la distraction. Il corrige cela avec la prosternation de de la distraction. Par exemple, s'il oublie le premier tashahhud. S'il oublie le premier tashahhud. Et qu'il s'est relevé, il est debout. Il ne peut pas redescendre. Il ne peut pas redescendre. À ce moment-là, il finit sa prière. Et avant le taslim, vu qu'il a oublié une obligation, il fera la prosternation de la distraction. Puis il fera le taslim. Ainsi s'achève notre cours sur les 14 piliers de la prière et les 8 piliers, ou pardon, les 8 obligations de la prière. والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا علما نافعا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. On demande à Allah qu'il nous accorde une science utile et profitable, qu'il nous aide à l'évoquer, à le mentionner, à nous souvenir de ses bienfaits, à beaucoup l'évoquer. On demande à Allah qu'il nous aide à jeûner en ce mois de Sha'ban et qu'il nous aide à attendre le mois de Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Demande à Allah de nous faire attendre le mois de Ramadan, de pouvoir le jeûner, de pouvoir le prier, de se rapprocher de lui comme il lui plaira, subhanahu wa ta'ala. Et on invoque en faveur de ceux qui sont touchés par tout type de maladie parmi les musulmans. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala wa shafi'a yashfiyahum. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder endurance et satisfaction. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah. Alladhi bi ni'mati tatimmu s-salihat.